Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Pokažem vam objekat i vi treba da uradite to što vam kažem. Pokažem vam objekat i vi treba da uradite to što vam kažem. Prenez. Uzmite. Uzmite. Donnez-moi les lunettes. Dajte mi naočare. Dajte mi naočare. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Stavite olovku u koverat. Stavite olovku u koverat. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Vratite čašu i uzmite makaz. Vratite čašu i uzmite makaz.